kiffe le R de rap. Ces airs, ces beats fat sont des parias. Gros oulard, et toi, écoutez ça, je kiffe ça, mes gars, et leur peu ça. Avec ça, baggy bling bling, moi je m'en passe, car là, car c'est ma première claque. Depuis, c'est toute ma vie. Si tu t'en tapes, garde ton avis, bah oui. Trop d'MC, trop de flow, trop de style. Je me gave de rap, c'est franc comme des nems dans sa brechant. Si ça part en vrille, je te fusille sur ça, j'ai pas de sentiment. Non, sois-en sûr, tu vas tomber à la demande. Et si tu te demandes, et si tu te demandes, non, vas-y, laisse tomber. Pour ça, j'ai trop pas le temps. Pour tous les rockers qui me disent que c'est pas de la musique, vas-y, rappelle-toi, t'es vieux. À l'époque, Jimi Hendrix, le rap, il résonne sans fin. Il est loin d'être mort, car moi j'ai faim, afin de voir les futurs techniciens. Pour ses phases osées, son esprit régdi, ses blases rythmées, c'est ce que dit à l'infini. Pour ses politiciens véreux, visés, véreux, ses concerts blindés, le doigt levé, ses prospects boulés, une entité. Pour ses vérités, réalités, pour ses heures d'écoute, du lever au coucher, parce que dessus, je me mets des rap. Fallait des races, parce qu'au final les trois me font oublier mes crasses. Parce que c'est le R de rouge que je bouge sur cette couleur, sans les douleurs qui font mes sapes et mes valeurs depuis tout ce temps. Je kiffe le R de rap, pas de R&B, et j'emmerde tous ceux qui les croient compatibles. Strass, paillettes, sous le feu des pros jaunes. Non, poteau, moi je kiffe le R de rap clando. Old school, new school, rien à battre. Moi ce que je kiffe, c'est le real rap. Je peux pas t'énumérer mon répertoire comme diam sur il te paumé. Y'a de quoi se faire plaisir jusqu'à ce que je clame, je te promets. Se faire une place serait une utopie dans ce monde que je kiffe. Mais le peu rap pour moi c'est ça, sois pas agressif. Besoin de recul sur ce rap, rappeur, player, meilleur ou moins bon, du véritable killer. Au gros con, besoin d'air pour écrire, décrire, ravir mes gens, ma relecture. Et je te jure, ce qu'il y a de plus dur, comment t'expliquer sans trop te choquer. Y'a pas vraiment d'explication à mon degré d'implication. Si ce n'est la passion, l'exploration, l'application, ou peut-être la satisfaction de voir mes gars sans pression. Explique-moi ce que je ne sais pas. Montre-moi les raisons si t'y vas à reculons. Mais me dis pas que le beat n'est pas rock. L'instru beau bavardoc, les histoires valent pas Hitchcock. Le rap, c'est du rap, le rap, c'est du rap. C'est pas la nouvelle version d'une musique qui trépasse, assimilée à aucune plaque. Du collège à la fac, tous, ouais, tous te mettent des claques. Parce que le rap se compare qu'à ses comparses. Et dès qu'on passe la variété au top 10 se déclasse. Entends qu'on prend fou le camp, prends le thème comme tu le sens. Face à ma disco, tu vas perdre tes arguments. Me dis pas que je suis intégriste, juste parce que je te parle de ce que je kiffe. Le R de rap, chacun ses claques.